La monnaie m'appelle, je suis plus là. Pour faire la paix, faut charbonner. Je fais partie de la pire des races. Mais je demande à Dieu de me pardonner. Je demande à Dieu de me pardonner, mais je sais que c'est dur. Je revends l'amour, j'ai grave la poisse, mais c'est la rue bonne. La monnaie m'appelle, je suis plus là. Pour faire la paix, faut charbonner. Je fais partie de la pire des races. Mais je demande à Dieu de me pardonner. Je demande à Dieu de me pardonner, mais je sais que c'est dur. Je revends l'amour, j'ai grave la poisse, mais c'est la rue bonne. Seul, je pense aux millions. J'essaye de faire le nécessaire pour faire manger toute la mif.